37. La bataille des bibliothèques. Lue par David. La bataille des bibliothèques. Le débat sur le prêt en bibliothèque de mars 2000 est l'archétype de l'affrontement entre ces deux conceptions. Un groupe d'éditeurs et d'auteurs, emmené par Jérôme Lindon, le patron des éditions Le Minuit, exige le retrait de leurs livres des bibliothèques si le prêt payant n'est pas instauré. Des évaluations circulent. On évoque la somme de 0,75€ par volume emprunté. Les signataires de la pétition brandissent les chiffres impressionnants que représente le prêt pour mieux le dénoncer. Pour une vente globale annuelle de 300 millions d'exemplaires chaque année, les seules bibliothèques municipales effectuent en France 154 millions de prêts, ce qui relève, écrivent-ils, de la contrefaçon. Le monde des lettres est en ébullition. Épaulés par les bibliothécaires, d'autres auteurs attachés, eux, aux prêts gratuits, défendent la lecture publique dans des espaces où l'on se rend pour lire et parler de lecture, et où les écoliers font l'apprentissage du livre sans obstacle marchand. Sans les bibliothèques, nombre d'entre nous n'aurions jamais lu ni trouvé notre voie dans les métiers du livre, affirme-t-il, ajoutant que la gratuité est un service que la collectivité se rend à elle-même. De part et d'autre, insultes et vitupérations s'échangent par journaux interposés. Puis l'attention retombe autour d'un compromis. Exit le prépayant. Cependant, l'État prend à son compte une rémunération compensatrice versée aux ayants droit. En fait, aucune des deux parties n'est vraiment satisfaite. Les emprunteurs auront certes toujours l'impression de la gratuité qui fait tant horreur à certains, mais les ressources consacrées par l'État aux bibliothèques se verront amputées de la rétribution faite aux ayants droit. L'opposition entre les deux camps ne se limite d'ailleurs pas aux bibliothèques. Les partisans du prépayant fustigent l'Internet, tandis que leurs adversaires ouvrent les sites, mettent à disposition des textes, intègrent ou animent des forums électroniques sur la littérature.